Les idées bloquées dans un casque à rail à la cité. J'crois qu'il y a que les sommes, les condés qui peuvent m'exciter. Hey, trop et j'porte de plaquettes, c'est PD, l'on les civés. J'ai même pas 22 puis j'mets les maisons 10 veulent mastiquer. Oh, j'ai les mots brûlants quand j'suis énervé, tu connais déjà. J'ai blessé beaucoup de personnes, mais ça j'le savais même pas. Cette année y'a une partie de moi-même qui s'est éteint. Mais comme dirait un collègue de travail, tout ça c'est le destin. Oh, j'suis pas énervé, juste un petit peu déçu. J'ai appris que dans la merde, j'ai que des trois frérots cassures. Mais l'ancien m'avait prévenu, m'avait dit poto, tu verras. Les vrais gars, le jour où faudra monter sur le gilet. Et depuis j'fume le yellow, maman sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'vends le yellow, maman sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, juste peur commentaire. Et depuis que j'fume le yellow, maman sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'vends le yellow, maman sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, juste peur commentaire. L'avenir bloqué dans des espérances inespérées. Si c'est pas moi qui le fais, je sais que personne va m'aider. Hey, nouveau dans la vie, petit, la place m'a parrainé. Coup de boulette en guise de tuteur sur le bord de la cité. Et avec un vabat, je te faisais 4 balles, j'étais vide. Les grands cherchaient les trous, se prenaient pour des détectives. Les guetteurs défilent, c'est le tri sélectif. Sors du collège, les condés font des centres électriques. Ouais, souvenirs brûlés dans mon prochain pilon chargé. J'crois que la rue nous a eu, j'crois que la rue nous a tous charmés. Ouais, souvenirs brûlés dans mon prochain pilon chargé. J'crois que la street nous a eu, cette putain nous a tous changé. Ouais, et depuis que j'fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Souvenir brûlé dans mon prochain pilon chargé. J'crois que la rue nous a eu, j'crois que la rue nous a tous charmés. Ouais, souvenir brûlé dans mon prochain pilon chargé. J'crois que la street nous a eu, cette putain nous a tous changé. Ouais. Et depuis que j'fume le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur comment faire. Et depuis que j'vends le yellow, maman ne sait plus comment faire. Elle ne fait plus de commentaires, a juste peur commentaire.